tubes 60, toute l'histoire de la musique des années 60. Ce soir. Well, excuse me if you see me crying like a baby. That I could see you every day. Cette fille-là, mon vieux, elle est terrible. Oh yeah. Toujours un point qui me rappelle. Oh, Georgia. Storytube 60. Georgia. Toute l'histoire de la musique des années 60. A song of you. Comes as sweet and clear. Storytube 60, le meilleur des tubes années 60. Moonlight through the pines. Une émission préparée et présentée par Jeff. Keep Georgia on my mind. Soyez les bienvenus dans cette émission que vous n'entendrez jamais à la radio. Storytube, c'est une saga qui vous retrace trois décennies de musique, les trois décennies que nous préférons évidemment. Cette émission spéciale démarre avec celui que vous avez entre autres entendu dans le medley qui présente cette émission. Voici Ben E. King. Is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble, see. I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. Benjamin Earl Nelson, dit Ben E. King, était né en Caroline du Nord en 1938. Il a été membre de plusieurs groupes. Le succès en solo, il l'a connu au début des années 60, notamment avec ce titre, Stand By Me. The Crystals, Dado Run Run, on en parle juste après. Do Run Run est une chanson écrite par Jeff Barry, par Ellie Greenwich et par Phil Spector. Le single est devenu populaire en 1963, justement dans cette version de The Crystals. Storytube 60. Love Me Do, le premier titre publié par les Beatles, c'était en 1963. Mais tu as mal, mal autant que moi. Tu me disais copain toujours, mais tu rêvais au grand amour. Ce grand amour, nos cœurs d'enfants l'ont inventé. De mois de mai en mois de mai, je m'en souviens. Mais à présent que nous sommes devenus grands et que la vie nous désunit, tu fais semblant d'être content, mais tu as mal autant que moi. Tu me disais copain toujours, moi je rêvais au grand amour. Ce grand amour, nos cœurs d'enfants l'ont vu grandir, de souvenir en souvenir. Il y a longtemps, tu le sais bien, pourtant à l'instant de l'adieu, toi silencieux, toi malheureux, tu fais semblant d'être distant, mais tu es là tout près de moi. Puisque j'entends, je reviendrai. Attends-moi, je reviendrai. Attends-moi. La chanson française, évidemment, était bien représentée dans les années 60. La preuve, la chanteuse-actrice Marie Laforêt, Tu fais semblant. Story Tube 60, le meilleur des tubes années 60. Et puisque nous écoutons de la chanson française, eh bien continuons avec notre Jojo national aussi dur que du bois. C'était en 1967. Quand j'étais enfant, on disait que j'étais un vaurien. C'est ça, aussi dur que du bois. aussi dur que du bois, Johnny. En 1967, Pierre-Henri et Michel Colombier avaient écrit un morceau très en avance pour sa génération. C'était les prémices de la musique électronique, sans doute le premier morceau électronique de musique électronique. Voici Psyché Rock par les Hypersound, une autre version de ce titre. Pour le temps présent, c'était un morceau caractéristique de ce ballet de Maurice Béjart, encore une fois très en avance pour son temps. La référence pour la musique électronique. Et si nous changions de décennie ? Écoutez vos plus beaux tubes, années 70. Feelings. Feelings like I've never lost you. Storytube 70, le meilleur des tubes années 70. Storytube 70, une émission préparée et présentée par Jeff. Et cette émission commence, je vous le donne en mille, avec les Pink Floyd et Money. En 1973. Mmh. get back. I'm all right, Jack. Keep your hands off of my stack. Money, it's a hit. Don't get me back to good, good bullshit. I'm in the a vendu à travers le monde plus de 75 millions d'albums. Il a été créé à Londres en 1965 à l'initiative de Syd Barrett, le guitariste. Stop. StoryTube 70. La saga StoryTube continue avec Demis Roussos. Goodbye, my love. Goodbye. De 1967 à 1972, on s'en souvient, c'est d'ailleurs grâce à cela qu'on l'a découvert. Demis Roussos était le chanteur et le bassiste des Aphrodite Child. Et je vous propose Charlie Rich, The Most Beautiful Girl. Did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying, crying? Hey, if you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her that I love her? I woke up this morning, realized what I had done. I stood alone in the cold gray dawn. You, I'd lost my morning sun. I lost my head and I said some things. Now comes the heartaches that the morning brings. I know I'm wrong, but I couldn't see. I let my world slip away from me. So hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying, crying? Hey, if you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her that I love her? If you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her that I love her. Storytube 70. Storytube 70, les hits des années 70. Il est né dans le nord-est de l'Angleterre. Voici Brian Ferry. I love how your eyes glow whenever you kiss me. And when I'm away from you, I love how you miss me. I love the way you always treat me tenderly. But darling, most of all, I love how you love me. I strands of light upon a bedroom floor. Change the night through an open door. I'm awake, but this is not my home. For the first time, I'm not alone. Reaching out, I touch another skin. Le titre emblématique de Véronique Sanson, puisqu'elle l'avait composé, écrit et enregistré en 1971. Celle qui l'interprétait pour nous aujourd'hui s'appelle Kiddy, vous la connaissez forcément, puisque son duo qu'elle a réalisé en 1976 avec Elton John, Don't Go Breaking My Heart, a été numéro un partout. Et moi je dis respect, puisque cette chanteuse a plus de 40 ans de métier. Kiddy, amoureuse. Storytube 70. Storytube 70, les hits des années 70. Et de Storytube 70, nous passons à Storytube 80. Storytube 80, toute l'histoire de la musique des années 80. Oh, Jerry, oh, Jerry, oh, baby, can you see I'm in love with you? Mamma, mamma, mamma, Maria, mamma, mamma, mamma, Maria. Écoutez vos plus beaux tubes années 80. Stéréotype 80, les hits des années 80. Une émission préparée et présentée par Jeff. La chanson avait été produite par le groupe Chic. Et la version que nous écoutons tout de suite, c'est celle de Diana Ross, My Old Piano. Si le disque n'a pas connu un succès retentissant aux États-Unis, il a quand même très bien marché en Europe, rien qu'en Grande-Bretagne. Il s'est vendu plus de 250 000 exemplaires de ce titre, My Old Piano. En 1982, Marvin Gaye sortait un album qui avait pour titre Midnight Love, Sexual Healing. Et le morceau de cet album que je vous propose actuellement. Make me feel up, get up, get up, get up. Let's make love tonight. Wake up, wake up, wake up, wake up. Cause you do it right. StoryTube 80. StoryTube 80. Les hits des années 80. C'est Lee Jones avec 3 E, s'il vous plaît. Earl Kennedy et Ashley Ingram qui ont créé en 1980 à Londres le groupe Imagination. I'm in and out of love. Voilà, voilà. I keep falling in and out of love. toute l'ambiance cool et relaxée du groupe Imagination. Vous êtes peut-être dans le Storytube 80, surtout, ne changez rien. Alors, pour être tout à fait honnête, en parcourant les rayons de la discothèque de la radio pour cette émission, pour choisir les titres, j'ai redécouvert un album, celui de Léo Sayer. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, en tout cas, le voici. Storytube 80. Storytube 80. Les hits des années 80. Et c'est avec les Blues Brothers que nous allons nous quitter pour cette émission que vous n'entendrez jamais à la radio. La bonne humeur des Blues Brothers, ça va vous donner la pêche. Merci d'avoir écouté cette émission. On se donne rendez-vous pour la saga Storytube, Storytube 60, Storytube 70 et Storytube 80 sur votre radio favorite. Si celle-ci ne diffuse pas la saga, eh bien réclamez-la à ses responsables. À bientôt, je vous embrasse, je vous souhaite tout le meilleur du monde. Salut! sugar to kiss, sugar to kiss. I need you.